Chapitre dixième. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. Qui a donc pu me voler mes pistolets et mes diamants? De quoi vivrons-nous? Comment ferons-nous? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres? Hélas, je soupçonne fort un révérend père Cordelier, qui coucha hier dans la même auberge que nous, à Badaros. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra deux fois dans notre chambre et partit longtemps avant nous. Hélas, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce Cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde? Pas un maravédis. Oh là là, quel parti prendre? Vendons un des chevaux. Je monterai en croupe, derrière mademoiselle. Quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse. Et nous arriverons à Cadix. Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Chillas, puis les Brixa, et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine, il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, deux valets et les deux chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. Nous allons dans un autre univers. C'est dans celui-là, sans doute, que tout est bien. Car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre, en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, mais j'ai encore l'âme toute effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents sont plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez? Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu'elle. Hélas, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par deux Bulgares, que vous n'ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli deux de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères, et que vous n'ayez vu deux de vos amants fouettés dans un auto da fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers et que j'ai été cuisinière. Mademoiselle, vous ne savez pas quelle est ma naissance. Et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes.